à René. Le ciel m'est témoin, mon frère, que je donnerai mille fois ma vie pour vous épargner un moment de peine. Mais infortuné que je suis, je ne puis rien pour votre bonheur. Vous me pardonnerez donc de m'être dérobé de chez vous comme une coupable. Je n'aurais jamais pu résister à vos prières, et cependant il fallait partir. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Vous savez, René, que j'ai toujours eu du penchant pour la vie religieuse. Il est temps que je mette à profit les avertissements du ciel. Pourquoi ai-je attendu si tard? Dieu m'en punit. J'étais resté pour vous dans le monde. Pardonnez, je suis tout troublé par le chagrin que j'ai de vous quitter. C'est à présent, mon cher frère, que je sens bien la nécessité de ces asiles, contre lesquels je vous ai vu souvent vous élever. Il est des malheurs qui nous séparent pour toujours des hommes. Que deviendraient alors de pauvres infortunés? Je suis persuadé que vous-même, mon frère, vous trouveriez le repos dans ces retraites de la religion. La terre n'offre rien qui soit digne de vous. Je ne vous rappellerai point votre serment. Je connais la fidélité de votre parole. Vous l'avez juré. Vous vivrez pour moi. Y a-t-il rien de plus misérable que de songer sans cesse à quitter la vie? Pour un homme de votre caractère, il est si aisé de mourir. Croyez-en votre sœur, il est plus difficile de vivre. Mais mon frère, sortez au plus vite de la solitude qui ne vous est pas bonne. Cherchez quelque occupation. Je sais que vous riez amèrement de cette nécessité où l'on est en France de prendre un état. Ne méprisez pas tant l'expérience et la sagesse de nos pères. Il vaut mieux, mon cher René, ressembler un peu plus au commun des hommes et avoir un peu moins de malheur. Peut-être trouveriez-vous dans le mariage un soulagement à vos ennuis. Une femme, des enfants occuperaient vos jours. Et quelle est la femme qui ne chercherait pas à vous rendre heureux? L'ardeur de votre âme, la beauté de votre génie, votre air noble et passionné, ce regard fier et tendre, tout vous assurerait de son amour et de sa fidélité. Ah, quel délice ne te presserait-elle pas dans ses bras et sur son cœur, comme tous ses regards, toutes ses pensées seraient attachées sur toi pour prévenir tes moindres peines. Elle serait tout amour, toute innocence devant toi. Tu croirais retrouver une sœur. Je pars pour le couvent de... Ce monastère, bâti au bord de la mer, convient à la situation de mon âme. La nuit, du fond de ma cellule, j'entendrai le murmure des flots qui baignent les murs du couvent. Je songerai à ces promenades que je faisais avec vous au milieu des bois. Alors que nous croyons retrouver le bruit des mers dans la cime agitée des pins. Aimable compagnon de mon enfance, est-ce que je ne vous verrai plus? À peine plus âgé que vous, je vous balançais dans votre berceau. Souvent nous avons dormi ensemble. Ah, si un mauvais tombeau nous réunissait un jour. Mais non, je dois dormir seul sous les marbres glacés de ce sanctuaire. Où reposent pour jamais ces filles qui n'ont point aimé. Je ne sais si vous pourrez lire ces lignes à demi effacées par mes larmes. Après tout, mon ami, un peu plus tôt, un peu plus tard, n'aurait-il pas fallu nous quitter? Qu'ai-je besoin de vous entretenir de l'incertitude et du peu de valeur de la vie? Vous vous rappelez le jeune M qui fit naufrage à l'île de France. Quand vous reçûtes sa dernière lettre, quelques mois après sa mort, sa dépouille terrestre n'existait même plus, et l'instant où vous commenciez son deuil en Europe était celui où on le finissait aux Indes. Qu'est-ce donc que l'homme dont la mémoire périt si vite? Une partie de ses amis ne peut apprendre sa mort que l'autre n'en soit déjà consolé. Quoi, cher et trop cher René, mon souvenir s'effacera-t-il si promptement de ton cœur? Oh mon frère, Si je m'arrache à vous dans le temps, c'est pour ne pas être séparé de vous dans l'éternité. Amélie. Post-scriptum. Je joins ici l'acte de la donation de mes biens. J'espère que vous ne refuserez pas cette marque de mon amitié. La foudre qui fut tombée à mes pieds ne m'eût pas causé plus d'effroi que cette lettre. Quel secret Amélie me cachait-elle? Qui l'a forcée si subitement à embrasser la vie religieuse? Ne m'avait-elle rattaché à l'existence par le charme de l'amitié que pour me délaisser tout à coup? Oh, pourquoi était-elle venue me détourner de mon dessein? Un mouvement de pitié l'avait rappelée auprès de moi. Mais bientôt, fatiguée d'un pénible devoir, elle se hâte de quitter un malheureux qui n'avait qu'elle sur la terre. On croit avoir tout fait quand on a empêché un homme de mourir. Telles étaient mes plaintes. Puis, faisant un retour sur moi-même, « Ingrate Amélie, disais-je, si tu avais été à ma place, si comme moi tu avais été perdu dans le vide de tes jours, ah, tu n'aurais pas été abandonné de ton frère. » Cependant, quand je relisais la lettre, j'y trouvais je ne sais quoi de si triste et de si tendre, que tout mon cœur se fondait. Tout à coup, il me vint une idée qui me donna quelque espérance. Je m'imaginais qu'Amélie avait peut-être conçu une passion pour un homme qu'elle n'osait avouer. Ce soupçon sembla m'expliquer sa mélancolie, sa correspondance mystérieuse et le ton passionné qui respirait dans sa lettre. Je lui écrivis aussitôt pour la supplier de m'ouvrir son cœur. Elle ne tarda pas à me répondre, mais sans me découvrir son secret. Elle me mandait seulement qu'elle avait obtenu les distances du noviciat et qu'elle allait prononcer ses vœux. Je fus révolté de l'obstination d'Amélie, du mystère de ses paroles et de son peu de confiance en mon amitié. Après avoir hésité un moment sur le parti que j'avais à prendre, je résolus d'aller à B pour faire un dernier effort auprès de ma sœur. La terre où j'avais été élevé se trouvait sur la route. Quand j'aperçus les bois où j'avais passé les seuls moments heureux de ma vie, je ne pus retenir mes larmes. Et il me fut impossible de résister à la tentation de leur dire un dernier adieu. Mon frère aîné avait vendu l'héritage paternel. Et le nouveau propriétaire ne l'habitait pas. J'arrivai au château par la longue avenue de sapins. Je traversai à pied les cours déserts. Je m'arrêtais à regarder les fenêtres fermées ou demi-brisées, le chardon qui croissait au pied des murs, les feuilles qui jonchaient le seuil des portes, et ce perron solitaire où j'avais vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs. Les marches étaient déjà couvertes de mousse. Le vieux lier jaune croissait entre les orpières déjointes et tremblantes. Un gardien inconnu m'ouvrit brusquement les portes. J'hésitai à franchir le seuil. Et cet homme s'écria « Eh bien, allez-vous faire comme cette étrangère qui vint ici il y a quelques jours ?» Quand ce fut pour entrer, elle s'évanouit. Et je fus obligé de la reporter à sa voiture. Il me fut aisé de reconnaître l'étrangère qui, comme moi, était venue chercher dans ces lieux des pleurs et des souvenirs. Couvrant un moment mes yeux de mon mouchoir, j'entrai sous le toit de mes ancêtres. Je parcourus les appartements sonores où l'on n'entendait que le bruit de mes pas. Les chambres étaient à peine éclairées par la faible lumière qui pénétrait entre les volets fermés. Je visitais celle où ma mère avait perdu la vie en me mettant au monde, celle où se retirait mon père, celle où j'avais dormi dans mon berceau, celle enfin où l'amitié avait reçu mes premiers vœux dans le sein d'une sœur. Partout les salles étaient détendues, et l'araignée filait sa toile dans les couches abandonnées. Je sortis précipitamment de ces lieux. Je m'en éloignai à grands pas, sans oser tourner la tête. Et qu'ils sont doux, mais qu'ils sont rapides, les moments que les frères et les sœurs passent dans leurs jeunes années, réunis sous l'aile de leurs vieux parents. La famille de l'homme n'est que d'un jour. Le souffle de Dieu la disperse comme une fumée. À peine le fils connaît-il le père le fils, le frère la sœur le frère. Le chêne voit germer ses glands autour de lui. Il n'en est pas ainsi des enfants des hommes. En arrivant à B, je me fis conduire au couvent. Je demandai à parler à ma sœur. On me dit qu'elle ne recevait personne. Je lui écrivis. Elle me répondit que sur le point de se consacrer à Dieu, il ne lui était pas permis de donner une pensée au monde. Que si je l'aimais, j'éviterais de l'accabler de ma douleur. Elle ajoutait, « Cependant, si votre projet est de paraître à l'autel le jour de ma profession, daignez m'y servir de père. Ce rôle est le seul digne de votre courage, le seul qui convienne à notre amitié et à mon repos. » Cette froide fermeté qu'on opposait à l'ardeur de mon amitié me jeta dans de violents transports. Tantôt j'étais prêt de retourner sur mes pas. Tantôt je voulais rester, uniquement pour troubler le sacrifice. L'enfer me suscitait jusqu'à la pensée de me poignarder dans l'église et de mêler mes derniers soupirs aux vœux qui m'arrachaient à ma sœur. La supérieure du couvent me fit prévenir qu'on avait préparé un banc dans le sanctuaire, et elle m'invitait à me rendre à la cérémonie, qui devait avoir lieu dès le lendemain. Au lever de l'aube, j'entendis les premiers sons des cloches. Vers 10 heures, dans une sorte d'agonie, je me traînais au monastère. Rien ne peut plus être tragique quand on a assisté à un pareil spectacle. Rien ne peut plus être douloureux quand on y a survécu. Un peuple immense remplissait l'église. On me conduit au banc du sanctuaire. Je me précipite à ses genoux sans presque savoir où j'étais, ni à quoi j'étais résolu. Déjà, le prêtre attendait à l'autel. Tout à coup, la grille mystérieuse s'ouvre et Amélie s'avance, parée de toutes les pompes du monde. Elle était si belle. Il y avait sur son visage quelque chose de si divin qu'elle excita un mouvement de surprise et d'admiration. Vaincue par la glorieuse douleur de la sainte, abattue par les grandeurs de la religion, tous mes projets de violence s'évanouirent. Ma force m'abandonna. Je me sentis lié par une main toute puissante, et au lieu de blasphème et de menaces, je ne trouvais dans mon cœur que de profondes adorations et les gémissements de l'humilité. Amélie se place sous un dé. Le sacrifice commence à la lueur des flambeaux, au milieu des fleurs et des parfums qui devaient rendre l'holocauste agréable. À l'offertoire, le prêtre se dépouilla de ses ornements, ne conserva qu'une tunique de lin, monta en chair et dans un discours simple et pathétique, peignit le bonheur de la Vierge qui se consacre au Seigneur. Quand il prononça ces mots, elle apparut comme l'encens qui se consume dans le feu. Un grand calme et des odeurs célestes semblèrent se répandre dans l'auditoire. On se sentit comme à l'abri sous les ailes de la colombe mystique, et l'on eût cru voir les anges descendre sur l'autel et remonter vers les cieux avec des parfums et des couronnes.